silence brise, le sable tranche, chaque mot est une lame. Ils viennent tous, mais un seul nom résonne. Raiderskill murmé par les dunes, crié par les engravés, par les coups. Se casse.